Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Et que la terre fera sortir ses fardeaux. Et que l'homme dira, qu'a-t-elle ? Ce jour-là, elle contera son histoire. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا Selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra.